إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue une explication du livre Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Aujourd'hui c'est le cours numéro 33 et on continue le chapitre où on est rendu, c'est le chapitre numéro 7 hein, au sujet de le titre c'est Babun min al-Shirk libs al-Halqa ou al-Halqa ou al-Khayt ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. C'est-à-dire que parmi les choses qui font partie du shirk, c'est de porter un bracelet ou une corde ou quelque chose de ce genre, qu'est-ce que les gens portent sur eux, pour éloigner un mal ou bien pour le repousser une fois qu'il est tombé sur nous. Et on a lu le premier ayah, la première ayah dans les preuves que le cheikh a mentionnées. Puis là, on a lu deux hadiths à ce sujet-là, jusqu'à maintenant. On est rendu à un autre hadith que le cheikh a mentionné. En fait, on a lu un seul hadith. Oui, c'est le hadith d'Imran ibn Hussein. Hein, et là, on lit un autre hadith à ce sujet-là aujourd'hui. C'est « Walahu » yani « Walil Imam Ahmed »« An Uqba ibn Amir »« Marfou'an » من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا وضع الله له. Ok, donc là, qu'est-ce que ça veut dire, celui qui a accroché une amulette sur lui, ben, que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas la raison pour laquelle il l'a mis, فلا أتم الله له. Et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie plus tard. Et ensuite il dit celui qui accroche un coquillage, hein, donc que Allah subhanahu wa ta'ala également ne lui donne pas le atteint, voilà. C'est ça. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand c'est un doa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour la personne qui met un coquillage ou qui met une amulette. Okay, c'est comme si il faisait un doigt contre la personne qui accroche ces choses-là pour que ça revienne contre lui. Au lieu que ce soit quelque chose de bien pour lui, ça retombe contre lui. D'accord? Donc, on va lire maintenant l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan à ce sujet-là. Premièrement, le hadith, il est hassan. Okay, c'est un hadith qui est hassan. Donc il est une preuve, comme on peut l'utiliser comme preuve dans la charia, puisque son degré est un hadith hassan. Cheikh il dit, « قال وله أي للإمام أحمد رحمه الله من تعلق تميمة فلا أتم الله له إلى آخر الحديث. قوله من تعلق أي من علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله. التميمة خزرات تعلق على الأولاد يتقون بها العين، وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرزات من الخرزات وما غير ذلك كالحرز والحجاب فهذا ليس بخاص بالحرز أو بالخرز وإنما هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلقات ومنهم من يعلق النعل على الباب ويجعل وجه النعل مقابلا للشخص الآتي أو على السيارة يظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسد وكل هذا من أمور الجاهلية Le Cheikh il mentionne ce hadith-là, il dit que c'est rapporté par l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a accroché une amulette, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas la chose pour laquelle il l'a mis. Et celui qui a accroché une amulette, le Cheikh il explique, soit qu'il l'a accroché sur lui-même, ou bien soit qu'il a accroché son cœur à cette chose-là. C'est-à-dire qu'il a cru que cette chose-là pouvait lui faire un bien quelconque ou éloigner de lui un mal en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit une tamima, il donne la définition, qu'est-ce que c'est tamima? C'est parmi les choses que les gens accrochent sur eux-mêmes ou sur leur enfant pour éloigner al-ayn, pour éloigner al-ayn. Et c'est des petites, des fois c'est des petites poches de cuir, des petites pièces de cuir dans lesquelles ils ont mis quelque chose à l'intérieur et c'est cousu et puis ils l'accrochent sur une partie de leur corps et ils pensent que en portant ça, ça peut éloigner al-ayn. Et on l'appelle aussi al-hirs. Il y a aussi quelque chose dans ce sens-là qui s'appelle al-hirs et aussi al-hijab. Il y a des gens qui l'appellent al-hijab aussi. C'est des trucs qu'ils portent, ils pensent que ça les couvre, que ça les protège contre al-ayn. Et c'est pas particulier à ça. C'est-à-dire, c'est pas obligé que ce soit ces choses-là en particulier. Comme une amulette ou quelque chose de ce genre. Mais ça peut être n'importe quoi qui est porté ou qu'on met sur quelque chose dans ce but-là. Comme le chef, il donne l'exemple, des gens qui accrochent, des chaussures ou une chaussure sur la porte pour essayer, ou une sandale sur la porte pour protéger les gens, pour protéger contre al-ayn, ok? Et aussi, comme on a dit la dernière fois ici, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de gens ici au Canada, ils mettent un fer à cheval, et ils croient que le fer à cheval ça protège contre ce genre de choses, comme on a dit la dernière fois. Il y a aussi sur les voitures, les gens mettent des choses de ce genre aussi sur leur voiture, ils pensent que ça peut les protéger contre l'accident ou contre al-ayn. Si quelqu'un par exemple il a une belle voiture et il a peur contre al-ayn, il va mettre ce genre de choses-là sur sa voiture pour éviter que l'ayn le touche. Et le cheikh il dit que peu importe, ça c'est des exemples qu'on donne, mais il faut pas croire que ça se limite à ces exemples-là seulement. C'est-à-dire, ça peut être n'importe quoi. Depuis que quelqu'un met quelque chose sur lui, ou sur ses enfants, ou sur sa voiture, ou sur sa maison, ou n'importe quoi, il le met dans ce but-là, dans le même but, dans cette intention-là, alors ça devient, ça prend le même verdict, ou la même, disons, le même hukum, si on veut le dire comme il faut, que ce qui a été dit pour les choses en question dans le hadith et dans les explications. Donc, ça fait partie des choses de la jahiliya. Ça, c'est ce que le cheikh explique. Après, il dit, وقوله, فلا أتم الله له, هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم, بأن الله لا يتم له أموره, ويعكس مقصوده عليه, والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة, فهذه الدعوة تتناول كل من تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من حجاب أو حرز أو تميمة يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل فمن تاب تاب الله عليه ومن لم يتوب فلا أتم الله له يعني لا أتم الله له مقصوده أمره ومقصوده. بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق لهذا تجدون من يعلقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفا وهما وحزنا وضعفا وخورا بعكس الموحدين المعتمدين على الله فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملا وتجدونهم أيضا في أمن واستقرار وانشراح الصدور لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده ويعلقون آمالهم بالله عز وجل والله يكفيهم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ويقول سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Donc dans ce passage on a compris que le chef il explique la partie où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait le dua. C'est-à-dire il dit celui qui a accroché une tamima, c'est-à-dire une amulette, fala atamma Allah la. Donc le chef explique que ça c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour lui. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne complète pas pour lui les choses pour lesquelles il a voulu mettre cette chose. Et qu'il, en fait, c'est comme si, en même temps, comme le cheikh explique, il dit, c'est comme si, c'est pour que le but pour lequel il l'a mis soit, disons, renversé. C'est-à-dire, les conséquences soient le contraire de ce pourquoi il l'a mis contre lui. C'est-à-dire, ça va revenir contre lui. D'accord? Et, donc, s'il l'a mis, par exemple, pour se protéger contre la haine, et contre la jalousie, ou contre quelque chose de mal, eh bien, ça devient quelque chose qui, ça devient le contraire. Au lieu, ça retourne contre lui, oui. Et le chef, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait un dua à Allah, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Allah subhanahu wa ta'ala répond à son dua. Donc, ce dua-là, ça va tomber sur toute personne qui va avoir mis sur lui ce genre de choses. Soit qu'il ait mis qu'est-ce qu'on a mentionné comme exemple, hein, comme hijab ou bien hirs ou tamima ou autre, ou bien n'importe quelle autre chose, comme ce soit par exemple la main avec l'œil au milieu. Hein, des fois c'est juste l'œil tout seul, pas de main. Hein, des fois c'est juste une pierre bleue ou des trucs de ce genre. Des gens ils mettent ces choses-là, ils croient que ça peut protéger contre Al-Aïn. Donc toute personne qui met ça, et qu'il veut se protéger contre le Al-Ayn, eh ben, ce doigt, il va retomber contre lui. Jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire, toute personne qui fait ça, jusqu'au jugement dernier, ça va retomber contre lui. Excepté s'il fait tawba. Excepté s'il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance. Toutefois, s'il ne se repentit pas, eh ben, ça retourne contre lui, d'accord, ça se retourne contre lui, et Allah subhanahu wa ta'ala ne complétera pas son but et ses affaires, et au contraire, il sera frappé par le contraire de ce pourquoi il a porté cette chose. Donc, contrairement, comme le, c'est-à-dire, il a voulu se protéger contre le mal, que ce soit un mal en lui-même, ou bien une crainte, ou bien une peur, et bon, en réalité, c'est ça ce qui va tomber sur lui. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit que ceux qui portent ce genre de choses, souvent, vous voyez que c'est eux, en réalité, qui sont les plus peureux et qui ont le plus de, disons, de peur, de tristesse, de faiblesse, hein, tous ces malheurs-là qui sont, en réalité, se retombent sur eux. Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Allah seul, mais ils ont mis leur confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc tu les vois déprimés, tristes, toujours faibles, hein? À cause du fait qu'ils ont mis leur confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux muwahhidin, c'est-à-dire ceux qui ont établi le tawhid dans leur vie, dans leur personne, dans leur croyance, et ils mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez que ceux qui sont ceux qui ont mis leur confiance en Allah seul, eh bien, ils sont parmi les gens qui ont plus de, disons, de fermeté et de force dans leur détermination. C'est les gens les plus forts. Et dans leurs actions également. Vous les trouvez en paix, en sérénité, le cœur ouvert, parce qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en lui seul, et ils n'ont pas accroché leur cœur ou leurs espoirs en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettent tous leurs espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah leur suffit à cause de ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 38 qu'on a expliqué dans le cours passé, قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Dit Allah subhanahu wa ta'ala me suffit, c'est en lui que doit mettre sa confiance ceux qui mettent leur confiance. Et aussi le verset 3 dans Surat al-Talaq, et celui qui met sa confiance en Allah, Allah certes lui suffit. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ok. Ensuite, le cheikh il dit, il explique la suite, il dit وقوله من تعلق ودعة أو ودعة. Est-ce que t'as le tashkil toi dans ton livre? C'est quoi? ودعة, ok. Est-ce que je ne sais pas sûr? ودعة فلا ودعة, c'est ça? فلا ودع الله له. C'est ça. فلا ودع الله له. Et الودع شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف ويعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على توابهم يتقون به العين. الشيخ الزكى الودعة سفلا دعنا سد الحديث celui qui accroche un coquillage, c'est ce que j'ai compris, que Allah سبحانه وتعالى le retourne contre lui, encore une fois, sont les effets de pourquoi il a demandé, pourquoi il a porté ça, que ça retombe contre lui. Et le chef, il dit donc que Al-Wada' c'est quelque chose qui ressemble à un coquillage et ça sort de la mer, c'est-à-dire on le prend dans la mer. Et les gens, ils le prennent et ils l'accrochent dans leur cou ou sur leur poitrine ou sur leur monture ou des choses de ce genre, et il croit que ça peut protéger contre le mauvais œil. Ouais. Donc, pardon. Non. Donc, si il porte ça comme ça, ça rentre dans le même hukm que de porter une amulette. Et le cheikh il dit فَلَا وَضَعَ اللَّهُ لَهُ أَيْ لَا تَرَكَهُ وَلَا فِي ولا في دعة وسكون وراحة بل سلط عليه الهموم والأحزان والوسائس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه ويصبح في خوف وهم وقلق دائم يخاف من كل شيء إلى أن يتوب إلى الله وهذا ظاهر في كل ما يتعاطون أو في كل من يتعاطون هذه الأشياء تجدونهم أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص سبحان الله. Donc le cheikh il dit que celui qui porte ce genre de choses, eh bien c'est comme si qu'il ne soit pas en paix et qu'il ne soit jamais en tranquillité. C'est ça le doa du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui porte ce genre de choses. Et en fait c'est comme si pour que tombe sur lui les al-humum, c'est les tracas, non, les soucis. Comme ça, oui, al-jam al-ham, oui c'est ça, la tristesse, les soucis, al-wasawis, c'est les, tu sais quand le shaytan il vient te t'inspirer ou te se souffler des choses mauvaises, des mauvaises pensées, mais c'est ça, c'est l'ouïsoise. Et également tes ennemis, hein, qu'ils tombent sur toi ou contre toi, jusqu'à ce que tu deviennes déprimé et tracassé, et tu vas toujours avoir ce genre de soucis, yani, ce genre de problème. Et yani, on voit donc que ça, c'est des conséquences du fait que quelqu'un fasse le shirk, que ça retombe contre lui et que ces effets-là se retrouvent en lui, qu'il ressent toujours des soucis, du tracas, de la tristesse, de la déprime, des trucs de ce genre, hein, et on voit qu'actuellement, yani, c'est des choses qui sont ressenties par beaucoup de gens dans la société, hein, ces choses-là. Et ça vient probablement du fait justement qu'ils ne mettent pas leur cœur, ils ne mettent pas leur attachement en Allah subhanahu wa ta'ala, en leur créateur, mais ils s'attachent, ou ils attachent leur confiance en toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme conséquence de ça, on retrouve le fait que yani, ils ressentent cette déprime et ces problèmes intérieurs dans leur cœur. Hein? Donc ça, c'est des effets négatifs du fait que quelqu'un met sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur enlève leur tranquillité, leur sérénité et leur stabilité et leur paix, hein, et ils deviennent toujours disons dans un état de crainte, de peur, de tracas, de soucis, hein. Al-qalaq c'est pas juste nervosité, c'est plutôt comme quelqu'un qui est dans son cœur toujours hein, inquiétude, un genre d'inquiétude, mais aussi il y a des problèmes intérieurs. Je trouve pas le bon mot, mais ça c'est il y a la déprime, mais al-qalaq c'est al-qalaqil. Ouais, un peu le cœur serré. Ça exprime un peu toutes ces significations là ensemble. Hein, et il a peur de toute chose, hein, il restera dans cet état-là tant qu'il ne s'est pas repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un effet clair qu'on peut remarquer chez les gens qui mettent ce genre d'amulettes ou ce genre de protection-là qu'ils croient être des protections. Yani. Tu vois que ce sont eux les gens qui ont le plus de problèmes intérieurs, de craintes, de soucis. Hein, et qu'ils s'imaginent toujours que quelque chose de mal va tomber sur eux, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est des gens, en réalité, ils n'ont pas mis leur confiance en Allah. Tandis que le vrai mu'min, le croyant, il est courageux, il est fort, il est déterminé, hein, il n'a pas peur de tout, en fait, il n'a peur de rien excepté d'Allah, hein, et il fonce. Hein. وفي رواية يعني للإمام أحمد من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا هو حديث que le cheikh a mentionné dans ce chapitre, une رواية de l'imam Ahmed encore qui dit من تعلق تميمة فقد أشرك. Et cette narration elle est hassan aussi, donc c'est une preuve, on peut l'utiliser parce qu'elle est hassan. Hassan, c'est un degré en dessous du degré de Sahih. Toutefois, il est toujours acceptable comme étant une preuve dans la charia. D'accord? Et il est aussi rapporté selon l'imam Ahmad et d'autres parmi les imams également. Et ça dit quoi? Ça dit « Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak ». C'est-à-dire celui qui a accroché une amulette, il a fait le shirk. Pardon? Ouais, accroché, ou qu'il l'a mis, soit qu'il l'a accroché, il l'a mis dans son cou, ou il l'a mis quelque part sur lui. Tu vas voir l'explication. Le cheikh il dit, هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأنه قد أشرك وهذا تصيبه مصيبتان. مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه والمصيبة الثانية في عقيدته وهي أنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء وهو وهذا هو الشاهد من الحديث للباب باب من الشرك تعليق الحلقة الحلقة والخيط ونحوهما. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith il y a une information supplémentaire par rapport à la narration qu'on a lue précédemment. C'est que en plus du dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait contre la personne qui porte ce genre d'amulette, eh ben il y a un autre malheur qui tombe sur cette personne. Hein, comme on a dit, le premier malheur c'est le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre lui. Et le deuxième malheur, c'est qu'est-ce qui tombe dans sur sa croyance, qu'est-ce qui l'affecte sur le plan de sa aqida, parce que il a été décrit dans ce hadith comme ayant commis un acte de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en ayant porté ce genre de choses. Et ça, c'est le témoin ou c'est le point important que le cheikh a voulu exprimer dans ce chapitre en disant que c'est un chapitre qui parle qu'une des formes de shirk, c'est de porter une halaqa ou une corde, hein, ou des choses de ce genre, et de dire que ça fait partie du shirk. La preuve de ça, c'est dans ce hadith ici, dans cette narration, qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « faqad ashrak », il a commis le shirk. Ça c'est une preuve que, clairement, que c'est un acte de shirk, que ça fait partie du shirk. Et le shaykh dit « fa'in kult ». ما نوع هذا الشرك؟ هل هو الشرك الأكبر؟ نقول فيه تفصيل. إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقع هو الله فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا. Donc le cheikh il te fait un résumé de la règle pour distinguer entre le shirk akbar et le shirk asghar. C'est qu'il dit que si on te demande quelle forme de shirk est-ce que c'est le shirk akbar, tu dis ça dépend, il faut vérifier dans les détails, il faut voir plus en profondeur, il faut voir plus en profondeur la question. Si la personne croit que cet objet le protège en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le shirk majeur, c'est le shirk akbar qui fait quitter l'islam. Mais s'il croit que c'est uniquement un moyen qu'il utilise et que le protecteur réel c'est Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un shirk mineur. C'est pas un shirk majeur, mais c'est un shirk mineur qui ne fait pas partie de l'islam. Et ça fait quand même partie des grands péchés qui est très dangereux dans l'aqida. Parce que ça diminue le tawhid d'une personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi c'est un shirk akbar? Parce que Allah n'a pas fait de cette chose un moyen. Hein? Pardon? C'est un shirk asghar de le mettre et tu crois pas que ça te protège en dehors d'Allah, sauf que tu crois que c'est une cause ou un moyen à utiliser pour te protéger contre al-ayn ou un autre mal. Ça c'est shirk asghar parce que tu dis que c'est un sabab alors qu'il n'y a pas de preuve pour montrer que c'est un sabab, ni dans la charia et ni dans la réalité de des choses physiques observables. Qu'est-ce que je veux dire à ce sujet-là aussi? C'est qu'en réfléchissant à ce sujet-là la semaine passée, j'ai pensé à la différence entre qu'est-ce que les mouchriquines font au temple quand ils adorent les awliya et les saints, et le fait de porter ce genre d'objet. Et j'ai remarqué que on dirait que ces gens-là qui font le shirk avec les awliya et tout ça, ils font un qiyas entre le fait de porter une amulette et le fait d'invoquer les awliya. Parce qu'ils croient que si tu invoques les awliya et que tu leur demandes en dehors d'Allah, sans croire que c'est eux qui agissent en dehors d'Allah, ils croient que ça c'est pas un shirk majeur. La différence, c'est que ils les invoquent en dehors d'Allah. Et du fait qu'ils les invoquent et qu'ils leur offrent des du'as, ça prouve qu'ils ont une croyance en eux. Sinon, pourquoi ils les invoqueraient s'ils ne croyaient pas qu'ils ont le pouvoir de faire quelque chose en dehors d'Allah, d'accord? Donc dans ce sens-là, c'est clair que c'est une forme de shirk majeur. C'est comme si quelqu'un portait une amulette et commence à faire un du'a à son amulette. Mais celui-là, s'il dit « je ne crois pas qu'elle a un pouvoir en elle-même », pourquoi il l'invoque? Ça, ce serait pire encore, qu'il offre un du'a à l'amulette qu'il porte ou bien à l'objet qu'il porte comme un porte-bonheur, ou comme par exemple, si c'était un fer à cheval qu'il a mis sur la porte de sa maison, ben, il se met à genoux devant le fer, ou bien il prie, il offre une prière à cet objet-là, ça ce serait un acte de shirk en lui-même, parce que c'est un du'a qu'il fait à cet objet-là. Et donc ça deviendrait encore plus grave comme shirk. D'accord? Donc c'est pour voir qu'il y a une différence entre ces deux choses-là. Wallahu a'lam. Mais les deux sont, ça rentre dans le shirk, les deux. Mais ce qiyas qu'ils font, comme ils disent, eux ceux qui croient, ceux qui s'imaginent que ça rentre pas dans le shirk akbar, parce qu'ils croient que c'est juste un sabab, c'est pas un bon qiyas. Wallahu a'lam. Parce que je pensais à ça justement, puis je me disais peut-être que c'est la raison pourquoi ils disent ça. Peut-être que c'est ça l'explication, pourquoi ils font une distinction entre les deux. C'est-à-dire pourquoi ils croient que c'est pas shirk. Autrement ils essaient de le justifier. Ben c'est ça, là j'ai donné l'exemple du du'a qu'ils font avec les morts, mais si c'est pas le du'a, il y a d'autres ibadat aussi qu'ils font, comme par exemple s'ils font le tawaf autour de la tombe. Ça en lui-même c'est une ibadat. Et donc ce serait un acte de shirk même s'ils font pas le du'a. Ou bien le fait, par exemple, comme tu dis, de caresser la tombe. Tabarrukan, cherche le baraka. Ça aussi, c'est un exemple de shirk. Le fait, par exemple, d'égorger un animal à cet endroit-là. Aussi, ça, c'est une forme de shirk. Pourquoi le faire à cet endroit-là en particulier, si tu n'as pas une aqida envers ces êtres-là, ou ces créatures-là? C'est ça. Exactement. Allah musta'an. Ils n'ont pas de dalil pour faire ces choses-là. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, plus on étudie le tawhid, puis on apprend à le comprendre comme il faut, on observe les shubuhat par la suite des mushrikins, puis on réalise de plus en plus qu'elles sont futiles, yani, elles ne sont pas fondées. Bon. Ensuite, il y a un autre hadith que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné. C'est hadith qui dit il dit Wali ibn Abi Hatim an Huzaifa annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Okay. Ça veut dire que Ibn Abi Hatim il a mentionné selon Huzaifa, qu'il a vu un homme qui avait une corde sur son bras, et il l'a coupé, et il a dit, il a récité le verset, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Puis on voit bien que d'après ce qu'on peut remarquer dans cette narration-là ici, il n'y a pas la mention que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit ou qui l'a fait. C'est l'action d'un sahabi, Hudayfa ibn al-Yaman. Toutefois, yani, cette narration, elle est pas authentique, elle est daïf. Mais sa signification, elle est vraie. Le Cheikh dit wa qawluhu, Walibni Abi Hatim, an Hudayfa, أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى يعني اتخذه أن يقيه من الحمى والحمى ارتفاع الحرارة في الجسم فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحمى فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قطع هذا الخيط من هذا الرجل، فهذا فيه إزالة المنكر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انزعها. الشيخ dit que il a vu dans sa main une dans la main de ce non pardon je dis Hudayfa hein. Selon Ibn Abi Hatim, Hudayfa il a dit qu'il a vu un homme qui avait une corde dans sa main, il le portait pour se protéger contre la fièvre. Alors Hudayfa il l'a coupé, il lui a enlevé cette corde et il a mentionné le verset 106 dans Sourate Yusuf qui dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah excepté, ou ne la plupart d'entre ceux qui croient en Allah ne croient, ne croient pas sans faire le shirk, c'est ça que ça veut dire. Et l'explication de ce verset-là, on va le voir dans les paroles du Cheikh Ibn al-Fawzan, dans ce qui va suivre juste tout de suite après, Inch'Allah. Donc le Cheikh, il dit que Hudayfa a vu ce sahabi avec une corde qu'il porte contre la maladie, c'est la fièvre, al-humma, la fièvre. C'est la température du corps qui augmente. Et cet homme-là, Hudayfa a vu ça, il l'a coupé, il lui a coupé cette corde qu'il portait dans sa main. Donc, dans ça, on voit qu'il y a une preuve pour dire qu'il faut enlever le munkar. Tahir al-munkar, changer le munkar, enlever le munkar. Et la même chose que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans l'autre narration, selon Imran ibn Hussein, lorsqu'il a vu dans la main d'un autre sahabi le bracelet en cuivre, il lui a dit enlève-la, enlève-la. Donc c'est la même chose. C'est un autre exemple qui montre que les sahaba, لوسكيل فوايا كيك شوز دو منكر ان شانجي. وقوله ثم وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وما يؤمن اكثرهم اي اكثر الناس وهم مشركون، قيل معناه انهم لا يؤمنون بالربوبيه الا وهم مشركون في الالوهيه، لان المشركين كلهم يقرون بالربوبيه ولكن يشركون في الالوهيه. Le Cheikh il dit que Hudayfa il a mentionné le verset 106 dans Sourate Yusuf. Et ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit et la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah excepté qu'ils sont des mushrikins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens, ils ne croient pas en Ar-Rububiyya excepté sans faire le shirk dans Al-Uluhiyya. C'est-à-dire que ils disent qu'ils croient en Allah, mais en même temps ils font le shirk. Parce qu'ils disent qu'ils croient en Ar-Rububiyya, mais ils font le shirk dans Al-Uluhiyya. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, ils disent, oui, Allah c'est le créateur, Allah c'est le maître, Allah c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, Allah c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui contrôle toutes choses. Ça, ils l'acceptent, mais dans Al-Uluhiyya, dans l'adoration, ils font le shirk. Ils offrent leurs adorations à autre que Allah. C'est ça ce que ça veut dire ce verset-là. Ils disent on croit à Allah et après ils font le shirk. Donc c'est pour dire qu'ils se contredisent. Donc ils ne sont pas vraiment croyants à Allah s'ils font ça. Et le shaykh il dit parce que la plupart des mushrikins ils croyaient tous en Ar-Rububiyya mais ils faisaient le shirk dans Al-Uluhiyya. Amma al-mushrik. أما الشرك الأكبر pardon إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. وربط الخيط حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله وإنما الخيط سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببا من الأسباب الواقية. أما إذا كان يعتمد على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر فهذا شرك أكبر. الشيخ يزيد est-ce que c'est un shirk asghar ou akbar؟ Eh bien, c'est la même explication qu'on a fait à ce sujet-là au dernier cours, puis aujourd'hui également et au cours d'avant, on a expliqué que, yani, s'il porte cette corde, et il croit que le bien et le mal ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que c'est uniquement une corde qui est utilisée comme un sabab, comme une cause ou comme un moyen, ça c'est un shirk mineur, parce qu'il a fait de cette corde un moyen, alors que ce n'est pas un moyen véritable pour se protéger contre ce genre de choses. Mais s'il met sa confiance en cette corde, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour éloigner ce mal, dans ce cas-là, c'est un shirk majeur. C'est un shirk majeur, akbar, mukhrij min al-millah, qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est très important à comprendre. فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه ويكثر وقوعه أو لا ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان وإن كان المراد الشرك الأصغر إن كان المراد الشرك الأصغر فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن كما قد يصدر منه النفاق العملي ويصدر منه الرياء أما إذا كان القصد الاعتماد عليه فإنه يكون من الشرك الأكبر المنافي للإيمان فالشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد أوكي لشيخ الزيخ إذا سمعت أن الشرك يمكن أن Hein, et il peut arriver très souvent, même pour les musulmans, même pour les croyants, il peut arriver souvent le shirk. Et ça, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte de ça. Et quand on dit que ça peut arriver souvent, même des musulmans, ça, on parle du shirk mineur, on parle pas du shirk majeur. D'accord? Parce que si c'est le shirk mineur, si c'est le shirk majeur, bien entendu, c'est ça fait sortir de la foi, comme on a expliqué. Mais si c'est le shirk mineur, ça ne fait pas complètement sortir de la foi. D'accord? Et c'est pour ça que ça peut arriver même d'un musulman croyant. Et comme aussi un nifaq, une forme d'hypocrisie mineure, hein, peut arriver de la part d'un croyant aussi. Hein? Il y a des formes de nifaq qui peuvent arriver chez un musulman croyant. Mais ça ne fait pas sortir de la foi, parce que c'est pas un nifaq majeur. Hein? Et c'est un nifaq al-amali. Par exemple, il se peut qu'un musulman, par exemple, il promette quelque chose à quelqu'un, puis il manque à sa promesse. Ou bien qu'il parle et il mente. Ou bien qu'il dise des mauvaises paroles. Ou qu'il fasse un ria, des exemples comme ça. Ça, ça peut arriver d'un musulman qui est croyant, mais bien entendu, c'est parce que sa foi, il a une foi faible quand il fait ces choses-là. Mais ça ne le fait pas sortir de la foi, mais ça diminue de sa foi. Hein? Tandis que, donc le cheikh il dit, oui, Arriya aussi, ça peut se produire de la part d'un mu'min, un musulman croyant. Il fait une action pour se montrer aux gens, pour que les gens le glorifient. Donc si c'était ça, son intention, c'est sûr que ça diminue de la récompense et ça diminue de la sincérité de son action et ça diminue, ça peut même détruire complètement la valeur de cette action-là, s'il y a du ria là-dedans. Donc le chef, ria, c'est quand tu fais une action pour que les gens te glorifient, pour que les gens te ostentation. Non. Oui, c'est ça. Comme le frère dit, il y a le hadith des trois qui arrivent devant Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, et le premier c'était un mujahid, l'autre c'était quelqu'un qui a récité le Coran, et l'autre c'était celui qui a donné un sadaqa. Et les trois, ils disent qu'ils ont fait quelque chose pour Allah seulement. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant non, vous avez menti. Vous avez fait ça pour que les gens disent telle ou telle ou telle chose. Et ils les jettent dans l'enfer, la face la première. Donc c'est pour montrer que Arriya, ça détruit les actions de la personne. Et le cheikh il dit, tandis que pas toutes les actions, c'est l'action, cette action-là en particulier. Wallahu a'lam. Après le cheikh il dit ويصدر منه الرياء أما إذا كان القصد الاعتماد عليه s'il a mis sa confiance en cet objet complètement en dehors d'Allah, donc dans ce cas-là c'est un shirk majeur et qui annule la foi. Donc le shirk mineur, alaykoum salam Allah, le shirk mineur il diminue la foi et le shirk majeur il détruit complètement la foi. Alaykoum salam. Le shirk mineur, il diminue la foi et il diminue le tawhid, et le shirk majeur, il élimine, il détruit complètement la foi et il détruit complètement le tawhid. D'accord? قال الشيخ رحمه الله في مسائله فيه أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر لأن حذيفة ابن اليمان استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وهذا إذا فسرت الآية بأن المراد بها أهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية ولكن إقرارهم بالتوحيد أو بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام فيكون حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناول بعمومها مثل ما استدل ابن عباس بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال وهو قول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت ولولا كليبة هذا لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص وما أشبه ذلك فسرها بالشرك الأصغر لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والأصغر فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه لشيخ الإكسبليك dans les masail, les points que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné à la fin de chaque chapitre, mais à la fin de ce chapitre, il a mentionné que les Sahaba utilisent souvent les versets qui sont révélés au sujet du shirk majeur pour, comme preuve en ce qui concerne le shirk mineur. C'est-à-dire qu'ils utilisent les versets qui parlent de shirk akbar comme preuve contre le shirk asra aussi. Ok? Pourquoi? Parce que, en fait, ces versets-là comprennent les deux. Hein? Ils incluent ces versets-là, les versets qui parlent contre le shirk majeur, eh bien, ils comprennent également, ou ils sont en train de, disons, ils englobent les versets qui parlent aussi de shirk mineur aussi, pas seulement du shirk majeur. C'est ça. Comme le frère il explique, il dit l'action en apparence, tu ne peux pas savoir nécessairement, toi tu regardes quelqu'un qui porte une amulette, tu ne peux pas savoir est-ce que c'est quoi son intention dans son cœur. Est-ce que son intention c'est de dire que c'est ça qu'il protège en dehors d'Allah, ou bien est-ce qu'il le porte juste parce qu'il croit que c'est un sabbat. Tu ne peux pas savoir juste en regardant la personne. C'est pas apparent, ça. Tout ce que tu peux dire, c'est que c'est shirk. Mineur ou majeur, ça dépend de ce qui est dans le cœur de la personne. D'accord? Mais dans n'importe quel cas, peu importe que ce soit, majeur ou mineur, on sait que c'est shirk. Mais il faut savoir est-ce que c'est shirk akbar ou asrar, ou est-ce que l'intention de la personne fait que ça devient akbar ou asrar, tu vois? Comme le frère a dit. Donc, et le verset qui est révélé donc pour le shirk majeur, il peut être utilisé pour le shirk mineur également. C'est comme quelqu'un par exemple qui il y a des gens comme ça aussi, par exemple, comme j'expliquais hier durant la khutbah, à propos des gens qui font le takfir, les khawarij, qui déclarent les musulmans kuffar parce qu'ils font des grands péchés. Parce que eux, quand ils voient un musulman qui font un grand péché, comme boire de l'alcool, par exemple, devant tout le monde, dans la rue, hein, comme des fois tu vois des musulmans s'assoient sur une terrasse, et puis ils boivent de l'alcool et ils voient les gens qui passent. Hein. Ils voient les musulmans qui passent, ils boivent de l'alcool, ils sont pas gênés, ils n'ont pas honte. Donc il y en a qui se basent là-dessus, ils disent bon, ces gens-là, ils croient que c'est halal, donc c'est des kuffars. Parce que l'istihlal, c'est haram. Mais tu peux pas te baser sur l'action de la personne pour déterminer qu'il leur est halal ou non. Parce que tu sais pas ce qui est dans son cœur de cette personne-là. Si la personne, elle leur est halal, elle est kafira même si elle ne boit pas d'alcool. Ça n'a pas rapport, hein, tu comprends? Tandis que s'il boit l'alcool, peut-être il sait que c'est haram dans son cœur, peut-être qu'il le boit juste parce qu'il a cette faiblesse-là, et il sait que c'est haram. Ben oui, exactement. Exactement. C'est pour ça, souvent, moi, quand j'ai rencontré des gens comme ça, je les ai vus en train de boire de l'alcool, première chose, qu'est-ce que je fais, quand je leur ai parlé, je leur ai dit, est-ce que tu sais que dans l'islam, l'alcool, c'est haram? Hein? Peut-être qu'ils ne le savent pas. Et ils m'ont dit, oui, je sais que c'est haram. Ils disent, tu sais, après, il faut craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est haram, en fait, il faut t'éloigner de ça. Et puis après, tu vois, ils disent, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis, tu vois, la personne, par la suite, elle va réfléchir. Et peut-être que Allah va la guider comme ça. Tu vois? Donc c'est pour dire. Mais eux, les khawarij, automatiquement, quand ils voient quelqu'un faire un péché, ils le déclarent kuffar. Parce qu'ils s'imaginent que, ah, la personne est kafir parce qu'elle le fait devant tout le monde. Et en plus, ils vont dire, si elle le fait une fois, ok, c'est correct. Mais si elle le refait tout le temps, elle devient kafir. Il y en a parmi eux qui ont amené ça, comme al-israr. Donc si quelqu'un fait al-israr, il devient kafir. Non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à Himar, par exemple, celui qui buvait toujours de l'alcool. À chaque fois qu'il venait, on lui donnait les punitions pour avoir bu de l'alcool. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi qui a voulu le maudire, pour lui dire, La'anatullah alayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ne l'insulte pas, ne le maudis pas, parce qu'il aime Allah et son messager. Il n'a pas bu l'alcool parce qu'il croit que c'est halal, il l'a bu parce que il est faible, il a cette faiblesse dans sa foi, il sait que c'est haram, et puis il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui ne boit pas d'alcool puis qui dit que c'est halal, il est kafir même s'il ne boit pas d'alcool. Parce que l'istihlal, c'est un kufr en lui-même, de rendre quelque chose halal alors que c'est haram, c'est comme si tu nies qu'est-ce qui est révélé par Allah. C'est pour ça que c'est kufr. Hein? Mais l'action elle-même, tu peux pas dire que c'est kufr. Sauf s'il y a un texte qui le prouve. Hein? Sauf s'il y a un texte, une référence qui prouve. Comme dans le cas de quelque chose qui est shirk. Hein? Comme l'exemple de Tamima. من تعلق تميمة فقد أشرك. Donc on voit que c'est un acte qui est shirk. Toutefois, il faut voir l'état de la personne. Premièrement, est-ce qu'il le sait? Deuxièmement, est-ce qu'il le met avec l'intention que ça le protège indépendamment d'Allah, en dehors d'Allah? Ça, c'est, si c'est le cas, c'est shirk akbar. S'il le met juste parce qu'il croit que c'est un sabab, c'est shirk asrar. Hein? Donc c'est tous des exemples différents de ça. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est pour ça, des fois la question comme on disait tout à l'heure à propos des khawarij qui disent que si tu fais un grand péché t'es kafir, des fois si tu lui parles de juste d'un péché comme ça, il va dire non c'est pas haram, ou bien on dit pas qu'il est kafir. Maintenant tu lui dis ok d'accord, bois de l'alcool, tu dis que celui qui boit pas d'alcool il est... Tu dis que celui qui boit de l'alcool, il n'est pas kafir. Qu'est-ce que tu dis maintenant de celui qui vend de l'alcool? Et des cigarettes, et de la loterie, qui a un dépanneur où il vend toutes ces choses-là. et des magasins haram. Est-ce que tu peux dire qu'il est kafir? Bien entendu, à la sunna wal jama'a, la réponse est toujours la même. C'est pas kafir. Tant qu'il n'a pas dit que c'est halal, il sait que c'est haram, et il sait que c'est un péché ce qu'il fait, il ne peut pas dire qu'il est kafir. Pour eux, ils vont dire, ah mais là, tu vois qu'il commence à avoir des hésitations, tu vois. Et là tu lui dis, et il met un employé musulman, et il lui dit, tu dois vendre ces choses-là. Il ordonne de faire le péché. Est-ce que d'ordonner à quelqu'un de faire un péché, est-ce que c'est kufr? Est-ce que ça fait sortir de l'islam? Non. C'est un péché aussi. Commander à quelqu'un de faire un péché, c'est un péché. Tant qu'il n'a pas rendu halal. Hein? Donc tout ça, c'est des choses, des points importants que ces gens-là, ils ne comprennent pas. Si quelqu'un est président d'une banque ou propriétaire d'une banque, riba, c'est haram. Mais tant qu'il n'a pas rendu halal, il n'est pas kafir. Hein, même chose. Alaykoum salam wa rahmatullah. On dit sabia. Non. Donc ça c'est pas pour défendre ou pour c'est pas pour dans le but d'encourager les gens à faire des péchés qu'on explique ces choses-là, mais au contraire c'est pour expliquer le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala et de distinguer entre qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui est pas kufr, pour pas qu'on fasse quitter des gens ou qu'on sorte des gens de la religion sans preuve et sans raison. Parce que ça, c'est haram aussi. Non, mais de toute façon, même si quelqu'un fait quelque chose de kufr ou de shirk, c'est pas une excuse pour lui de continuer à le faire. Mais au contraire, c'est à lui de se repentir pour qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala et demande pardon. Exactement. Il faut utiliser la sagesse quand tu parles avec ce genre de personne. Et comme le cheikh dit. Comme on voit que Hudayfa ibn al-Yaman, dans cette narration qui lui est attribuée, il s'est basé sur un verset qui a été révélé au sujet du shirk akbar, comme une preuve contre le shirk asghar. Et donc, ça c'est si on comprend le verset comme si sa signification avait été révélé au sujet des gens de la Jahiliya, c'est-à-dire des gens avant l'islam, dans le sens que les gens de la Jahiliya, ils croyaient en Ar-Rububiya, mais ils faisaient le shirk dans le Tawhid Al-Uluhiya. Donc, le fait qu'ils ont affirmé et accepté le Tawhid Ar-Rububiya, ça ne les fait pas rentrer dans l'islam. C'est pas suffisant pour les faire rentrer dans l'islam. Donc, c'est comme si, en réalité, Hudayfa, il s'est basé sur ce verset-là qui a été révélé au sujet du shirk majeur, à propos d'un shirk mineur, parce que elle comprend les deux. Elle comprend le majeur et le mineur ensemble. Et donc, le cheikh, il dit que, également, Ibn Abbas, il s'est aussi basé sur des versets qui étaient révélés sur le shirk majeur comme preuve contre le shirk mineur quand il a mentionné le verset par exemple qui dit فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux ou des semblables, des seigneurs avec Allah. N'établissez pas des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez que c'est lui seul le maître et le créateur. Ok? Et ça, comme le cheikh il explique, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, comme le cheikh il explique, il dit que Ibn Abbas a mentionné ça lorsqu'il a parlé, il a dit, quand il a expliqué ce verset-là, il a dit, c'est au sujet d'un homme que lorsqu'il parle, il dit, ma sha Allahu wa shi'at. Ce qu'Allah a voulu et toi. Ou bien quand il parle, il dit Lawlallah wa ant, si Allah n'aurait pas voulu, et toi. Ou bien qu'il dit Lawla kulaybati hadha la atana al-lusus, si ce n'était pas de ce chien, les voleurs seraient venus, ou des trucs de ce genre. Donc, quand il parle, il ne fait pas aucun degré de distinction entre Allah et la créature. Il dit directement si ce n'était pas de toi, d'Allah et de toi, comme s'il met Allah et la personne à égalité dans la parole. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du shirk asghar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahabi lui a dit ça, masha'Allah wa shaykh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aja'altani lillahi niddan, est-ce que tu veux essayer de me faire un égal avec Allah? Tu veux essayer de me mettre à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala? Qul masha'Allah wahda. Dis Allah lui seul ce qu'il a voulu. C'est-à-dire, sinon, il y a d'autres hadiths qui disent, tu dois dire, summa, masha'Allah, summa ant. C'est-à-dire ce que Allah a voulu, puis ensuite ce que toi tu veux, pour montrer qu'il y a un décalage entre les deux, c'est pas égalité. La volonté d'Allah est toujours au-dessus de la volonté de sa création, ok? Et puis que la volonté de la créature est toujours limitée par rapport à la volonté infinie d'Allah, c'est-à-dire la volonté complète d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. Ça c'est, comme tu dis, de son vivant. Après la mort du professeur Hassan, on dit plus ça, d'accord? Après il dit فَصَّرَهَا بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ. Donc il a utilisé ce verset-là qui était révélé à propos du shirk majeur comme preuve contre le shirk mineur. Parce que les versets qui parlent du shirk majeur, ils comprennent le shirk mineur également. Donc il s'est basé sur ces versets-là comme preuve contre ce que le shirk mineur représente. Et puis après il dit وكذلك حذيفة استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه هذه على ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والأصغر. وبعض المسلمين يؤمنون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولكن يصدر منهم بعض الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان فدل على الحذر من الشرك وأنه إذا كان قد يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أو أن أشرك وأنا أعلم وأستغفر من الذنب الذي لا أعلم. Donc le cheikh il explique, il dit que Hudhayfa il a fait donc la même chose comme on a expliqué, il s'est basé sur un verset qui parle du shirk majeur contre le shirk mineur, parce que les deux comme on a dit c'est compris l'un dans l'autre. Et et il y a certains musulmans qui ont cru en Allah, qui ont cru au tawhid al-rububiyya et au tawhid al-uluhiyya également. Toutefois, ils font certaines formes de shirk mineur, qui ne viennent pas détruire complètement la foi. Ils viennent seulement diminuer la pureté de leur tawhid et la pureté de leur foi. Et donc, ce genre de hadith viennent nous mettre, disons, viennent nous dire qu'on doit faire attention au shirk, peu importe. Même si on dit, ah moi j'ai pas de shirk, akbar. Je suis pas en train de commettre quelque chose comme qui fait partie du shirk akbar. Donc dans ce cas-là, je suis protégé. Non. Même si tu fais pas de shirk akbar, peut-être que tu peux faire des formes de shirk asrar. Et ça aussi c'est dangereux. Parce que ça peut diminuer ta foi. Et il y a des gens, par exemple, qui, je me souviens, il y a des gens, une fois, peut-être j'ai déjà mentionné cet exemple, il y a des gens qui faisaient qui parlaient, par exemple, de jihad. Jihad, c'est une ibada. Et c'est une ibada comme d'autres ibadas. C'est une parmi les plus importantes dans l'islam. Toutefois, ils mettaient beaucoup d'importance sur cette ibada d'une manière, qui est pas, disons, qui est pas, comment je pourrais dire, qui est pas raisonnable, si on veut, dans le contexte actuel. Et qui essayait comme d'opposer cette ibada à une autre. Comme par exemple, l'ibada de talab al-ilm, chercher l'ilm, ou des choses de ce genre. Et puis, j'ai expliqué à ce frère que de connaître notre aqidah et de connaître le tawhid, c'est très important. Hein? Et que tu ne peux pas faire le jihad si tu n'as pas appris les bases de ta religion et le tawhid et les choses de ce genre. Comment tu vas faire si tu ne connais pas le tawhid? Tu combats, le base du jihad est établi pour combattre le shirk et les mushrikines et les kuffars et les kafirines et le kufr. Mais si tu ne sais pas c'est quoi le shirk, comment tu peux combattre les mushrikines? Et si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le kufr, comment tu peux combattre les kafirines? Peut-être que toi-même tu fais des actes de shirk, mais tu ne sais même pas. Et comme de fait, Yanni, à ce moment-là, j'ai regardé dans son cou et il portait un truc de amulette ou bien un truc de propre bonheur. Alors je lui ai dit, mais regarde qu'est-ce que tu portes dans ton cou. Hein? Donc, je lui ai expliqué que ça fait partie du shirk. Hein? Mais c'est pour dire, des gens comme ça, des jeunes sont, disons, mutahammisin, ils sont chauds, oui, hein, comme le frère dit. Ils sont chauds là, ils sont excités pour parler de djihad et toutes ces choses-là. Mais ils ne prennent pas les choses avec connaissance, avec ilm, avec sagesse. Et ils s'avancent vers des choses sans même avoir la connaissance des bases de leur religion. Et ils font des actes de shirk, asrar ou akbar des fois même, Allah musta'an, et ils ne le savent même pas. Hein. Donc, ça fait partie des exemples. Et le cheikh dit donc que ça se peut que certains musulmans commettent des actes de shirk mineurs. Donc, quelqu'un ne doit pas se sentir en sécurité en lui-même et dire « ça y est, moi je suis protégé ». Non, il faut demander à Allah la protection contre le shirk majeur et le shirk mineur, comme dans le dua qu'on dit « Oh Allah, je cherche le refuge en toi contre le fait de faire un shirk avec toi, quelque chose dont j'ai connaissance, hein, associé avec toi quelque chose dont j'ai connaissance, et je demande ton pardon pour un péché dont je n'ai pas de connaissance. » Et le cheikh dit « Wa fi du'a al-mashhur, a'udhu bika min ash-shirk wal-kufr min ash-shak wal-shirk wal-kufr wal-nifaq wal-su' al-akhlaq. فالمسلم يخاف على نفسه ويدعو الله بالعافية من هذه الأمور ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. شيخ الزي إذا الدعاء كي bien connu on dit oh Allah je cherche refuge en toi contre le doute, le shirk, le kufr, le nifaq et le mauvais comportement. Donc ça c'est le dua. Et il dit, le musulman, il doit craindre donc pour lui-même de tomber dans quelque chose qui a rapport avec ces choses-là, et il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah le protège contre ces choses-là, il l'épargne de ces choses-là, et il ne doit pas se purifier lui-même, hein, et il ne doit pas non plus se sentir comme s'il est en sécurité de tomber dans ces choses-là, hein, il dit, ah moi je suis correct. Non, parce que c'est la pire erreur à faire, ok? C'est la pire erreur à faire, c'est quand tu commences à te sentir en sécurité que le shaitan vient le plus facilement sur toi pour essayer de te faire tomber dans quelque chose qui a rapport avec le shirk. Billah, wala iyadu billah. Donc aujourd'hui, on va terminer avec ça, ok? Puis demain, inshallah, on continuera avec le chapitre 8. Aujourd'hui, on vient conclure le chapitre 7 et demain on commence le chapitre 8 inshallah. Subhanallah wa fikum baraka inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.